Allez les camarades, tu le sais voir. Nous, nous sommes les révoltés. Ça va pas du tout. Nous, nous sommes les révoltés. Nous sommes les révoltés. Oh les camarades derrière là, faites sa gueule. Et bataillons. On va passer en force, nous aussi. On va passer en force, nous.